Elle a bien représenté notre beau coin de pays la semaine passée au championnat canadien junior de curling. On parle évidemment de Laura Guénard. Habituellement, je parle avec son père, mais là, je me suis dit, regarde, elle doit être rendue assez vieille pour commencer à te donner une bonne entrevue puis à être assez volubile. On lui parle pour la première fois. Salut, Laura. Bonjour. Laura, ça fait longtemps évidemment qu'on parle avec Marc-André. Puis ça me fait c'est fun vraiment que tu sois enfin qu'on soit capable de se parler. Dis-moi, la semaine passée, quatrième place. Est-ce que tu es vraiment content? Oui, c'est vraiment une belle position. C'était pas arrivé depuis longtemps. Je pense que c'était en 2004, la dernière fois que l'équipe du Québec avait bien représenté sa province autant que ça. OK. Puis c'est pas... C'est quand même pas facile, là, parce que ton père me l'a dit plusieurs fois. Il y a une équipe, il y a une joueuse à Québec, il y a une joueuse à Chicoutimi, il y a une joueuse à Alma. Oui. Puis toi, t'es à Chicoutimi la fin de semaine à Dolbeau. D'installer une chimie, là, c'est pas facile non plus, là. Non, c'est quand même assez difficile, mais on se rencontre deux fois environ par mois. On va pratiquer dans le centre. Dans le fond, on va pratiquer à Québec. Okay. Parce que nous, on est au club Etchemin à Québec. Donc, on a une fille de Montréal aussi qui descend de Québec. Puis moi puis ma coéquipière d'Alma, on monte ensemble pour aller se pratiquer. Est-ce que les adversaires, puisqu'on l'a vu à TV en fin de semaine, les adversaires que tu as côtoyés tout au long de la semaine, j'imagine que vous avez eu l'occasion de parler un peu avec eux autres. Généralement, c'est-tu un peu pas mal pareil ou ils jouent beaucoup plus? Il y en a qui... sont quand même pareils à nous, ça dépend à quelle province. Comme par exemple, je sais que l'Alberta, la skip qui a gagné le championnat, ouais. Elle avant habitait en Saskatchewan. Donc, elle a déménagé, a changé de province pour aller jouer au curling avec cette équipe-là. Donc, eux, ils ont réussi à se regrouper puisqu'elle est allée aux études dans l'Alberta. Ouais. Mais d'après moi, c'est pas mal pareil à nous, sauf que il y en a qui sont beaucoup plus proches. Là. OK. Il y en a qui prennent du même club aussi. OK. Donc, j'imagine aussi que c'est pas facile nécessairement de bien instaurer cette chimie-là. Mais ça fait quoi? Ça fait deux ans? Depuis l'an passé, vous êtes ensemble? Oui, ça fait deux ans. Nous, on se connaissait déjà, par exemple. On avait déjà joué contre. Donc, dans les tournois, on se voyait quand même assez souvent. Ouais. Donc, c'était pas la première fois qu'on se voyait. Comme la capitaine, Camille, ça faisait au moins 10 ans que je la connaissais hors équipe. Là. Okay. On se voyait dans les compétitions et dans les tournois à la fin de semaine. OK. Mais ça a été bien long, instaurer cette fameuse chimie qu'on parle? Là. Non, vraiment pas. Ça a très bien été. On est toutes des filles qui se ressemblent dans leur attitude, le comportement. On veut toutes le même but, la même chose. Donc, ça n'a pas été très difficile d'instaurer une chimie. OK. Si on parlait maintenant de la semaine passée, tu as dit que tu étais très contente. Bravo, évidemment. Mais ça n'a pas été nécessaire. Quatrième position, ça a bien été également. Mais je me rappelle le match, je pense que c'était contre le Nouveau-Brunswick la semaine passée. Parle-moi de ce match-là. Je pense que ça a été je suivais régulièrement le match sur les médias sociaux. Même je disais comment c'était rendu. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Vous dirigez vers une défaite. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une remontée spectaculaire. Et ton père disait... une des plus grosses remontées qui m'a été donnée de voir. Oui, on a montré beaucoup de caractère durant cette partie-là. Parce qu'on a tiré de l'arrière tout au long du match. Puis à la fin, l'autre équipe pensait avoir réussi à nous battre. Mais finalement, on a montré du caractère et on est revenu en force pour gagner la partie au dernier bout. OK. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant pour Laura Guérin et toute l'équipe? Là, vous avez vu que vous étiez capable de compétitionner. Il te reste quoi au niveau junior? Il te reste quoi? 2 ans, j'imagine? 1 an? Non. Moi, c'était ma dernière année junior. Okay. La capitaine aussi. Après ça, la deuxième, il reste encore quelques années puisqu'elle a seulement 16 ans. Okay. Donc, elle y en reste gros, mais moi, c'est ma dernière année. Donc, prochainement, je vais peut-être prendre une petite pause. Sinon, si j'ai des offres de d'autres équipes, je vais penses-tu en avoir? J'espère. OK. Je sais pas encore. OK, tu sais pas encore, oui. Mais j'imagine non. Mais t'entends, tu jouais quand même dans des tournois compétitifs, oui. Que ce soit pour amical ou pas un autre niveau? C'est sûr que ça fait partie de notre vie, hein, curling. Ouais, ça ouais. Fait depuis que j'ai 6 ans que j'ai commencé à jouer. Donc, c'est sûr, je vais prendre une petite année plus relax, comme on dit. Mais sinon, oui, je fais des tournois amicale avec mes parents ou avec des amis que j'ai dans le milieu. OK. Qu'est-ce qui a manqué? L'expérience pour vraiment cette quatrième position, c'est quand même une très, très belle prestation. Qu'est-ce qui a manqué pour vraiment avancer? C'est-tu plus... En fait... Je pense pas qu'il manquait d'expérience. Okay. Je pense que c'est une partie qui a tout changé, comme notre dernière partie contre la Nouvelle-Écosse. Je pense que il aurait fallu arriver plus près, plus préparé mentalement pour commencer ce match-là en force. On a eu de la difficulté à commencer la partie, donc je pense plus que c'est de ce côté-là qu'il aurait fallu forcer un peu plus. OK. Donc, est-ce que tu aimes autant le golf, pas le golf, mais le curling qu'autant qu'avant? Parce que moi, ça fait longtemps que je te suis, là. Je te suis fait. Oui. fait quand même depuis l'âge de 12-13 ans. Est-ce que tu aimes autant ça? Sinon, j'imagine que quand on revient d'un tournoi comme ça ou quand ça a passé à la TV, c'est pas mal ta plus grosse compétition en carrière, on vient vraiment rempli vraiment d'adrénaline, là. Oui, vraiment. Je pense que de plus tu joues, plus tu commences à apprécier ce sport-là. Donc, c'est avec les années que tu découvres que tu as vraiment une passion pour... comme moi, j'ai découvert, j'ai vraiment une passion pour le curling. Puis, avec le temps, tu apprends à l'aimer de plus en plus avec tous les tournois que tu fais, toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin. Donc, c'est pas mal ça qui te fait apprécier ce sport-là. OK. Ben, Laura Gannard, félicitations encore une fois. Bravo, t'as très bien représenté notre coin de pays. Merci beaucoup. Puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler régulièrement. C'est en maintenant que la glace est cassée. Puis, tu vas te trouver une équipe pour l'an prochain. Oui, merci beaucoup. Laura Gannard de Beaumont-Sissy qui a participé au championnat junior de curling qui se déroule en fin de semaine à Victoria.